Yeah. Parce qu'on est tous pareils, gros. Tous pareils, ok. On est tous pareils, on est tous pareils. Souvent je déçois les gens, tu sais pourquoi? Parce qu'ils m'attendent au tournant. Et puis que moi, je fonce tout droit. Et là, t'auras beau me parler d'une douce voix. En vrai, y'a rien de secret. Parce que dans le fond, douce voix, hélas, tout se sait et tout se paye. Tous dans la même merde, car en bas, tout se saigne et tout se crée. L'avenir, le futur, à sauce de manche-pierre. Tellement du bitume que nous on reçoit des thunes, on lance pierre. On est tous pareils, gratte des bails de soins, des brouillards capuchés, charbonne d'art, quand y'a besoin. Demande à Baba et Poto, tu te reconnaîtras. Fais péter le champ, tu passes le son sur planète rap. Okay. Tous en bas à parler, canbé. Chouko, demande ça, Kiri, grosse tête et pâté. On pousse trop de poids, de mots, engagés comme des mots. Maintenant, je t'invite à écouter le poids des mots. Oh, parce qu'on est tous identiques dans le fond. Je décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente parce que on est tous identiques dans le fond. Je me décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente. Souvent, les gens disent que je manque de tact. Je suis trop noir et ça fait peur. Et donc, les blancs disent que je manque de black. J'ai pas assez d'Amérique dans ma personnalité. J't'ai pris un beat qu'un rire, mais sans français, j'viens le personnaliser. Tous à chercher la maille de or, la trace de l'or. Un max de bise, d'air max, et puis de bail, de job. Du streetcar, car en soirée, c'est la chouara qui domine. Les fashion dream plus grandes dans nos trois rats. Gomine les vœux, j'agamine. Ça coûte même pour des gourmets. J'te l'ai dit, tous des gueules, tous des problèmes, ça se promène. En centre-ville pour des raclis. Avant un long trajet, un ou deux pilons, et c'est parti. Ça pavane, genre moi si, moi ça. En cabane ou en Tessie, c'est rap, Zach, un frimoi. Dans nos équipes, tous les mecs s'embrouillent entre eux. Parce que les sous rentrent peu, c'est la banlieue, bienvenue en vieux. Parce qu'on est tous identiques dans le fond. Je me décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente parce que on est tous identiques dans le fond. Je me décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente. Souvent, je suis attiré par la facilité. Mais ce désir m'est ôté quand je guette la réalité. Pas tranquillité dans les têtes, pas tranquilles idées dans les têtes. Et puis pas de fertilité dans les têtes. Contrat à durée limitée dans les tafs. Par contre le tirage de taf est illimité dans les cash. D'escalier, abonnement à vie à la carte. Débarque, tu foires ta vie, puis tu retournes à la case. Débarque, tous en mode des ailes spéciales. Le bloc est international. Zoukra est coupé, décalé des ailes bestiales. Comment on vit, non? Notre continent s'est fait péter par les requins de la finance. Donc on inonde les rues, nos morceaux de rap. J'dis la qualité sur 10, ouais, c'est pas des morceaux de crack, non. On squatte tellement bon, il fait des craquements. Achète l'album, c'est le débarquement de mon département, les gros. Parce qu'on est tous identiques dans le fond. Je décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente parce que on est tous identiques dans le fond. Je les décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. Commençons, comment ça, on n'est pas représenté? C'est LRM du PLACK. Je me présente. C'est LRM. C'est LRM. C'est LRM.